Hey, Max, tu te souviens quand on a commencé la parodie? Comme j'étais jeune et con à l'époque. Quand je pense que j'ai 1000 abonnés aujourd'hui, alors qu'hier j'en avais 999. Ouais, ouais, les abonnés passent comme les voitures. Mais quel est le bilan de ma chaîne YouTube? Laisse-moi réfléchir. Pas trop longtemps quand même. J'ai une retraite à prendre. C'est fou ce que le temps passe vite. T'as vu, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à nos débuts pas toujours aisés, sans trop dramatiser. On s'est pas mal fait clasher, mais c'est ce qui nous a motivés. Déjà l'envie de parodier, de prendre les textes, les modifier. On n'avait pas de pétrole, mais qu'est-ce qu'on avait comme idée? L'excès de parodier était tel qu'on s'extasiait devant les paroles crues de Choum et de Francis Cabrel. À l'époque, à la radio, la parodie, grâce au duo Robles Gigo, aura réussi un sacré coup de promo. Je me rappelle, il y avait Aïe la tribu des Rasta, mais c'est avec ma caravane qu'ils ont mis les choses à plat. Partager nos textes, nos ambitions, objectif devenir comique, un point commun, celui de réussir à conquérir un public. Maintenant je comprends mieux Doc que quand on était gamin. On avait tous deux dans le corps le gène de François Perrin. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Parler des parodies d'avant quand on avait ça dans le sang. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Parler des parodies d'avant quand on avait ça dans le sang. Willy, tu te souviens comment c'est? Rencontré, t'avais écrit une parodie de Megaman que j'ai rechanté. De là nos premiers sites internet naissent avec parodie gratuite à l'appel, on détourne tout le gratin du Star System. Et puis en un éclair, nous voici devenus youtubeurs. On s'adapte et on cartonne une cinquantaine de vues par heure. Tu le sais, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige YouTube. Mais comme on respecte nos fans, on leur évite les vilaines pubs. En 2007, on est au top, en solo ou en asoc. Souviens-toi du parodial combat avec ses parodies précoces. Y'avait Sophie, Ludo, MC, les petits débiles et puis Miss Par, sans oublier le John Stifler qui se voyait déjà superstar. La parodie nous réunit, je sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Cloîtré devant ma télé à regarder Sonic le Rebelle. Et moi j'aurais grandi dans un monde malsain sans musique. Et pire que ça, je n'aurais pas pu dévoiler mes talents de comique. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Parler des parodies d'avant quand on avait ça dans le sang. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Parler des parodies d'avant quand on avait ça dans le sang. Le temps passe tellement vite, t'as vu comment on a changé. Max, écoute même ta voix muée. Ça fait 10 ans que je reprends tous les thèmes de jeux vidéo en m'inspirant du travelware d'Alien Kovic, mon héros. Bravo pour tout ce boulot, parfois tu m'as scotché à tel point que mon fils chante constamment Do you got melee? Do you got melee? Oh. Merci, mais de ton côté, tu n'as pas chômé non plus. Depuis l'époque de Fun Radio, tu nous en as mis plein la vue. C'est vrai, mais pourtant ces derniers temps sur YouTube, ça fonctionne moins bien. La faute à Cyprien, Norman et tous leurs copains. Tu n'as qu'à faire comme moi, passer au let's play. La parodie nous a servi, mais aujourd'hui c'est terminé. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Parler des parodies d'avant quand on avait ça dans le sang. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Parler des parodies d'avant quand on avait ça dans le sang. Et voilà, c'est fini. Ouais. Dommage que tu partes quand même. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Bon, bah je vais continuer tout seul. À l'ancienne. On ne peut pas tromper 1000 fois une personne. On ne peut pas tromper 1 fois 1000 personnes. Mais on peut tromper 1000 fois 1000 personnes. C'est important de le savoir.